fait un rêve ce matin. Je me suis levé, les gens se tournaient la main. Était-ce un rêve ou la réalité? Mais je n'ai pas envie de me réveiller. Hey, hey, hey, hey. J'ai fait un rêve ce matin. Je me suis levé et puis le monde allait bien. Oh yeah. J'ai fait un rêve ce matin. Je me suis levé, les gens se tournaient la main. J'ai chacun se met à partager. Les murs viennent de tomber, plus de famille en passé. Les enfants peuvent jouer dans nos rues sans être.